الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. La religion démocratie. Celui qui désire une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de sa part, et dans l'au-delà, il sera au nombre des perdants. Introduction de l'éditeur. Toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes, qui a envoyé son messager avec la guidée, la religion de vérité, pour la faire prévaloir sur toutes les autres religions, et n'en déplaise aux associateurs. Que les bénédictions et le salut soient sur notre prophète Mohammed et sur sa famille et ses compagnons, et ceux qui ont répondu à son appel et qui se sont attachés à sa sunna jusqu'au jour dernier. Nous présentons au noble lecteur un ouvrage précieux, quoique de petit format et d'un nombre de pages restreint, rempli de réponses suffisantes pour qu'il s'interroge au sujet de la religion dite démocratie, ainsi que sur la participation aux assemblées parlementaires législatives polythéistes. Cet ouvrage est celui du digne frère Abu Mohammed Asim al-Maqdisi, qui est un de ces prédicateurs qui se sont consacrés à l'acquisition et à la transmission du savoir et qui proclament ouvertement la vérité. Nous demandons pour lui la réussite, la droiture et l'agrément, et qu'Allah le rende utile ainsi que sa science, car Allah est bon et généreux. Et nous invitons les lecteurs à la recherche de la vérité à lire cet épître et en se dépouillant pour Allah de tout parti pris, en toute sincérité et en vue de parvenir à la vérité et de s'y conformer. Ô Allah, fais-nous voir la vérité en tant que vérité et accorde-nous de nous y conformer et fais de nous voir le faux en tant que faux et accorde-nous de nous en écarter. Nous demandons à Allah le Très-Haut, le Puissant, de faire de notre œuvre un acte sincère en vue de rechercher sa noble face, utile à ses serviteurs, car il est notre garant en cela et le capable. Et que les bénédictions et le salut soient sur Mohammed, sa famille et ses compagnons. Certes, la louange est à Allah, le Très-Haut. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon. Et nous cherchons le refuge auprès d'Allah, le Très-Haut, contre le mal qui est en nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide est certes bien guidé. Et celui qui l'égare, tu ne trouveras personne pour le guider. Et je témoigne que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, seul et sans associé. Et il suffit, et quel excellent protecteur. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, et il est notre guide et notre exemple. Que les bénédictions et le salut soient sur lui et sur sa famille et ses compagnons, et sur ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit, voici les pages que j'ai écrites activement avant les élections du Parlement législatif polythéiste, et ceci après que les gens aient été éprouvés par la menace de la démocratie. Et après qu'aient polémiqué à son sujet ceux qui polémiquent parmi les tawarites qui se sont dépouillés du din, ainsi de ceux qui ont revêtu la parure de la religion et de la da'wa, et qui ont également recouvert la vérité par le mensonge, notamment cette démocratie, parfois liberté, parfois consultation, shura, et d'autres fois encore argant de la fonction de Yusuf alayhi salam auprès du roi d'Égypte, ou du cas du Négus, ou prétendant à la conciliation et la bienfaisance. Ils ont camouflé aux yeux de la masse la vérité sous le mensonge, ils ont mêlé à la lumière des ténèbres le shirk au tawhid et à l'islam. Et nous les avons réfutés en cela par le secours d'Allah le Très-Haut, concernant toutes ces ambiguïtés. Et nous avons démontré que la démocratie est une religion autre que la religion d'Allah le Très-Haut, une voie autre que la voie du tawhid. Et que ces assemblées parlementaires ne sont que des palais du polythéisme et des forteresses de l'idolâtrie. Ainsi, il est obligatoire de s'en écarter pour réaliser le tawhid, qui est un droit d'Allah le Très-Haut sur ses serviteurs, et de s'acharner à les combattre, à les détruire, et à prendre en adversité et en haine ses alliés, et à lutter contre eux. Et ceci n'est pas une affaire relevant de l'effort d'interprétation personnelle, comme il arrive à certains falsificateurs de le dire, mais c'est un shirk clair et une mécréance apparente, contre laquelle Allah le Très-Haut nous a mis en garde par sa révélation, et qui a combattu l'élu des messagers sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie. Alors veille aux frères du tawhid, comptez parmi les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le soutiennent, ceux qui s'opposent au shirk et à ses adeptes. Et empresse-toi à l'ombre de cette rurba à rejoindre le groupe bien établi dans la religion d'Allah le Très-Haut, celui qui a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi, un groupe de ma communauté de Marra établi dans l'ordre d'Allah. Ceux qui s'opposent à eux ne les nuiront en rien jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Qu'Allah le Très-Haut nous compte parmi eux, et toute louange est à Allah au début, à la fin. Chapitre 1er. Exposé sur le fondement majeur. Le but de la création et de la religion, de la révélation des livres et de l'appel des envoyés, et sur la religion d'Ibrahim alayhi salam, élance la plus solide qui est la clé du salut. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. que l'essentiel de cette religion, son fondement et son pilier, est la première chose qu'Allah, le Très-Haut, a prescrit aux fils d'Adam de connaître et de pratiquer, avant la prière, la zakat et les autres adorations, est le reniement du Tawhid et son désaveu, ainsi que le Tawhid d'Allah, purifié de toute forme de shirk. Et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a créé toute la création, a envoyé les messagers, a fait descendre les livres, a prescrit le djihad et le martyr. C'est aussi à cause du tawhid que fut instaurée l'adversité entre les alliés du Rahman et les alliés du Shaitan. Et c'est pour cela qu'à l'origine doivent être instaurés l'État islamique et le califat bien guidé. Allah le Très-Haut a dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils me consacrent exclusivement l'adoration. » Il, le Très-Haut, a dit « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tawhid. » Et ceci est l'anse la plus solide et anse de l'islam. Et aucune prêche, aucun djihad, aucune prière, aucun jeûne, aucun pèlerinage ne saurait être accepté sans cela. Il ne peut y avoir de préservation contre le feu que par l'attachement ferme à ce pilier. Car c'est la seule anse dont Allah le Très-Haut a garanti l'invulnérabilité. Quant aux autres anses de la religion et ses autres prescriptions, elles ne suffisent pas à elles seules sans ce fondement salutaire. Allah le Très-Haut dit « Pas de contrainte dans le din. Le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque renie le Tawhid, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. » Et il, le Très-Haut, dit « Et à ceux qui s'écartent des Tawhid pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. » Vois comment Allah le Très-Haut a placé la mention du reniement et du désaveu du Tawhid avant celle de la foi en lui et du repentir. Tout comme il a fait précéder la négation sur l'affirmation dans la profession de foi du Tawhid. Il n'y a point de divinité, négation, si ce n'est Allah, affirmation. Et cela uniquement pour attirer l'attention concernant ce pilier fondamental de l'anse la plus solide. La foi en Allah le Très-Haut n'est valide et utile qu'accompagnée du reniement du Tawhid. Les tawarites que tu dois renier et dont tu dois t'éloigner de l'adoration afin de saisir l'anse solide et salutaire ne sont pas seulement les pierres, les statues, les arbres et les tombes qui sont adorés par la prosternation, l'invocation, le vœu, la circumambulation. Mais son sens est plus général que cela. Le Tawhid englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le Très-Haut, par quelque forme d'adoration que ce soit et qui ne réprouve pas à être adoré. Le Tawhid provient de Tawriyan, qui est le dépassement par le serviteur des limites pour lesquelles Allah, le Très-Haut, l'a créé. L'adoration est de plusieurs sortes, tout comme la prosternation, l'inclinaison, l'invocation, le vœu, le sacrifice sont des adorations, de même l'obéissance dans la législation est une adoration. Allah, le Très-Haut, dit concernant les chrétiens, ils ont pris leurs savants et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'eux ne se prosternaient pas, ni ne s'inclinaient devant les savants, mais ils leur ont obéi dans l'autorisation de l'illicite et dans l'interdiction du licite. Et ils se sont accordés avec eux sur cela. Allah le Très-Haut a alors désigné ces gens du livre à cause de leur obéissance à leurs savants et à leurs moines dans la désobéissance à Allah, comme ayant pris ces derniers comme seigneurs en dehors d'Allah. Car l'obéissance dans la législation est une adoration qu'il n'est pas permis de consacrer à un autre qu'Allah le Très-Haut. Et si l'homme la consacre à un autre qu'Allah le Très-Haut, fût-ce dans une seule prescription, il devient par cela mouchrik, associateur. Et il y a une indication claire et une preuve de cela dans la controverse qui opposa à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les alliés de Rahman et les alliés de Shaitan, concernant la bête morte et l'interdiction de la consommer. Lorsque les associateurs ont voulu convaincre les musulmans qu'il n'y avait pas de différence entre la bête que les musulmans égorgeaient et la bête qui mourait de mort naturelle, en argumentant et en prétextant que la bête morte est comme égorgée par Allah le Très-Haut, Allah, le Très-Haut, a alors fait descendre son jugement sur cette affaire d'au-dessus des cieux et a dit « Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. » Dès lors entre dans l'appellation du Tawhid toute personne qui s'érige en législateur avec Allah, le Très-Haut, qu'il soit gouvernant ou gouverné, représentant du pouvoir législatif ou représenté par ses élus, parce qu'il a par cela dépassé les limites pour lesquelles Allah, le Très-Haut, l'a créé. Car il faut créer serviteur d'Allah, le Très-Haut. Et son maître lui a ordonné de se soumettre à sa loi, mais il a refusé, s'est enorgueilli, a outrepassé et transgressé les limites d'Allah le Très-Haut. Il a voulu se faire l'égal d'Allah et s'associer à lui dans l'attribut de la législation, qu'il n'est pas permis d'attribuer à un autre qu'Allah. Et toute personne qui fait cela s'est certes érigé en divinité législatrice. Il ne fait aucun doute que ce dernier fait partie des chefs de la rébellion, desquels il est nécessaire pour l'homme de se désavouer et de s'écarter, ainsi que de ceux qui adorent ses taroutes et les assistent, afin que ce soit valide son tawhid et son islam. Allah a dit, ils veulent prendre pour juge le taroût, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mujahid a dit, le taroût est le shaitan, sous une apparence humaine, vers qui les gens vont chercher le jugement, et il est aussi leur chef. Et le shir de l'islam, Ibn Taymiyyah a dit, et c'est pour cela qu'est nommé taroût, celui que les gens prennent comme juge, et qui juge par autre que le livre d'Allah. Ibn Qayyim dit, le taroût est tout ce en quoi le serviteur dépasse ses limites, devenant ainsi adoré, suivi ou obéi. Et le taroût de chaque peuple est celui qui prenne comme juge en dehors d'Allah et de son messager, ou qu'ils adorent en dehors d'Allah, ou qu'ils suivent sans aucune preuve venant d'Allah, ou qu'ils obéissent sans savoir si cela est dans l'obéissance à Allah. Il dit aussi, celui qui cherche le jugement en dehors de ce avec quoi est venu le messager, alors il a certes pris pour arbitre et pour juge le taroût. Et parmi les sortes de tawarit adorés en dehors d'Allah de nos jours, et qu'il est obligatoire pour tout monothéiste de renier et de désavouer ainsi que ceux qui les suivent, et ceci afin de saisir l'anse la plus solide et d'être préservé du feu. Parmi donc les sortes de tawarit figurent ces divinités et prétendus seigneurs, désignés par beaucoup de gens comme associés et législateurs en dehors d'Allah. Ou bien auraient-ils des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises ? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Ainsi, ils les ont suivis en faisant du pouvoir de légiférer un droit et une qualité légitime pour eux-mêmes et pour leur parlement et pour leur autorité d'État, régionale ou locale. Et ils ont décrété cela dans leur loi, leur constitution, et cela est bien connu et répandu chez eux. Ainsi, ils se sont érigés en seigneurs pour tous ceux qui leur obéissent, les suivent et s'accordent avec eux sur cette mécréance et ce polythéisme déclaré, comme a jugé Allah à propos des chrétiens quand ils ont suivi les savants et les moines de façon similaire. Mais le cas de ceux-là, les divinités de notre époque, est pire, car ces savants avaient fait cela, décréter le licite et l'illicite en contredisant la loi d'Allah. Et les gens s'étaient accordés avec eux sur cela. Mais ils ne l'avaient pas institué et rendu obligatoire. Et ils n'avaient pas rédigé des constitutions, des livres ou des décrets, de sorte que soit châtié celui qui s'en écarte ou s'y oppose, et de sorte qu'ils le mettent sur un pied d'égalité avec le livre d'Allah, et même le fassent prévaloir sur le livre d'Allah dans leur jugement, comme c'est le cas de ceux-là à notre époque. Si tu as compris cela, sache que le plus haut degré d'attachement à cette anse solide et le degré le plus élevé du reniement du taroût est le point culminant de l'islam, c'est-à-dire le djihad contre le taroût et contre ses alliés et ceux qui le suivent, et l'empressement à le détruire et à faire sortir les gens de l'adoration du taroût vers l'adoration d'Allah, le Très-Haut, l'Unique. Et ce djihad consiste, entre autres, en l'affirmation de la vérité et sa proclamation, comme l'ont fait les prophètes et conformément à leur voix, qu'Allah, le Très-Haut, nous a clairement exposé lorsqu'il nous a ordonné de prendre comme exemple la nation et la voix d'Ibrahim alayhi salam et son appel en disant « Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre nous et vous l'adversité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » L'adversité et la haine sont déclarées, c'est-à-dire se sont manifestées et sont apparentes. Et médite sur la mention de l'adversité avant la haine, parce qu'elle est plus importante. L'homme peut en effet haïr les alliés du taroût sans les prendre pour adversaires. Il n'aura alors pas accompli son devoir tant que ne se manifeste de sa part l'adversité et la haine. Et observe comment Allah le Très-Haut a mentionné leur désaveu des associateurs avant le désaveu de leur objet de culte, car le premier est le plus important des deux. Et ceci car beaucoup de gens renient les idoles, les tawarites, les constitutions, les lois humaines et les religions mensongères. Mais ils ne se désavouent pas de leurs serviteurs, de ceux qui soutiennent et des partisans de ces fausses divinités. Ils n'ont ainsi pas accompli leur devoir. Mais s'ils se désavouent des adorateurs polythéistes, alors cela implique forcément le désaveu de leur objet d'adoration et de leur fausse religion. Quant au moindre degré de l'obligation qui s'impose à tout être responsable, sans lequel l'homme ne saurait être sauvé, c'est le fait de s'écarter du taroût et de s'abstenir de l'adorer et de le suivre dans son shirk et dans son mensonge. Allah le Très-Haut a dit « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du taroût ». Et il dit aussi « Éloignez-vous de la souillure des idoles ». Et Allah le Très-Haut dit à propos de l'invocation d'Ibrahim, « Et éloigne-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Ainsi, si l'homme ne réalise pas cela dans la vie terrestre, en s'écartant du Tarout, de son adoration et en s'abstenant de le suivre, alors il sera dans la vie dernière, parmi les perdants. Et rien d'autre ne lui sera bénéfique ou profitable en ce moment-là, s'il a négligé ce noble fondement. Et il regrettera lorsque le regret ne lui sera plus profitable. Et il souhaiterait pouvoir revenir à la vie terrestre pour réaliser ce pilier essentiel et pour saisir cette anse solide et poursuivre cette voie glorieuse. Allah le Très-Haut dit, quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Et les suiveurs diront, ah, si un retour nous était possible. Alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah montrera leur action, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Mais hélas, hélas, il sera trop tard, et il n'y aura pas de retour vers ce monde. Serviteur d'Allah, si tu désires ardemment le salut et espères la miséricorde de ton Seigneur, qu'il réserve à ceux qui le craignent, éloigne-toi de tous les tawarides et abstiens-toi de les associer à Allah. Car seul s'éloignera des tawarides le jour du jugement et sera sauvé de leur destination dans la vie dernière, celui qui s'est séparé et écarté d'eux dans le bas monde. Quant à celui qui a agréé leur religion mensongère et les y a suivis, alors un crieur dans les cours de la résurrection proclamera que chacun suive ce qu'il adorait. Et ceux qui adoraient le soleil suivront le soleil. Ceux qui adoraient la lune suivront la lune, et ceux qui adoraient les tawarites suivront les tawarites. Jusqu'à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, à propos des croyants, auxquels il sera dit « Qu'est-ce qui vous retient alors que les gens sont partis ?» Et eux diront « Nous nous sommes autrefois séparés d'eux, et nous avons encore plus besoin en ce jour de nous séparer d'eux. Et nous avons entendu un crieur proclamer que chaque peuple rejoigne, ce qu'il adorait. » Ainsi, nous attendons seulement notre Seigneur. Et médite sur la parole des croyants. Nous nous sommes autrefois séparés d'eux, et nous avons encore plus besoin en ce jour de nous séparer d'eux. C'est-à-dire, nous nous sommes séparés d'eux dans le bas monde, alors que nous avions besoin de leur argent, de leurs biens et de leurs affaires mondaines. Alors comment ne nous séparerions-nous pas d'eux en ce grand jour? Il y a à ce sujet d'autres indications pour nous éclairer, telles que cette parole d'Allah. Rassemblez les injustes et leurs pères de tout ce qu'ils adoraient, leurs pères, c'est-à-dire leurs semblables, leurs alliés, leurs partisans et ceux qui les soutiennent dans leurs mensonges. Ensuite Allah dit après cela, ce jour-là donc, ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi traitons-nous les criminels. Quand on leur disait, point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Alors prends garde aux serviteurs d'Allah à ne pas te détourner de la parole du Tawahid, et à ne pas négliger ce qu'elle implique d'affirmation et de négation, et à ne pas t'enorgueillir au lieu de suivre la vérité, et à ne pas soutenir le Tarout, et qu'ainsi tu sois parmi les damnés, et que tu les rejoignes dans leur châtiment. Ensuite, sache qu'Allah a loué ce monothéisme pur et ce principe noble, la religion de l'islam, et qu'il l'a choisi pour ses serviteurs monothéistes. Ainsi, celui qui vient avec cela sera agréé, et celui qui vient avec une autre religion, elle lui sera rejetée au visage, et il sera parmi les perdants. Et Allah a dit, et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Yaqub. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en musulman, soumis à Allah. Et il a dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et aussi, et quiconque désire une autre religion que l'islam, elle ne sera point agréée de sa part, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et prends garde à ne pas suivre les pas des chrétiens, des juifs et de leurs semblables, ou que tu ne suives d'autres religions déviantes, et qu'ainsi tu t'égares. Et cela comprend toute voie, tout mode de vie, tout régime, toute loi parmi les humains, toute loi parmi les lois humaines que les créatures suivent et qu'ils adoptent comme religion. Et ce sont toutes des religions dont le désaveu et l'éloignement est obligatoire, ainsi que le reniement et le désaveu de leurs adeptes, à l'exception de la voie du tawhid et du din de l'islam. Allah nous a ordonné de dire à tous les mécréants, pour marquer notre désaveu de leur voie et de leur croyance, « Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, à vous votre religion et à moi ma religion. » C'est-à-dire le désaveu de toute voie parmi les voies de la mécréance fondée sur des principes et un mode de vie qui s'écarte de la religion de l'islam et qui constitue leur religion qu'ils agréent. Et parmi cela se trouvent le communisme, le socialisme, la laïcité, et leurs semblables parmi les théories et voies innovées qu'ont inventées les créatures et qui sont issues de leurs pensées dégradantes et qu'ils ont agréées comme religion pour eux-mêmes. Et parmi cela, la démocratie, qui est une religion autre que la religion d'Allah le Très-Haut. Et voici pour toi des paroles brèves pour exposer l'égarement de cette religion innovée et inventée par laquelle beaucoup de gens ont été éprouvés, même parmi ceux se réclamant de l'islam. Ainsi, pour que tu saches que c'est une religion autre que la religion du Tawhid, une voie parmi les voies déviantes du droit chemin, et que devant la porte de chacun d'elles se tient un shaitan qui appelle au feu. Alors éloigne-toi d'elle et appelle les gens à s'en éloigner. Voici un rappel pour les croyants, une mise en garde pour les insouciants, une exposition des preuves pour les opposants obstinés, et un alibi auprès du Seigneur des mondes. La suite dans le prochain audio, Inch'Allah, sous le chapitre 2, la démocratie est une religion mécréante innovée, dont les partisans sont soit des seigneurs législateurs ou des suiveurs qui les adorent.